victoires, des petites choses de la vie, celles qui nous font sourire, celles qui nous font frémir. C'est l'histoire des petits riens qui nous font rester les gamins, qui nourrissent notre imagination à grands coups d'évasion. Une odeur de gazon fraîchement coupé qui vient sur la pointe des pieds te chatouiller le bout du nez. Un orage, une pluie d'été qui parfume le bitume, le simple ruissellement de l'eau dans le fond d'un caniveau. C'est l'histoire qui commence par un simple coup de vent, une petite brise matinale remplie de rires d'enfants. C'est l'histoire d'une valse, d'un balai incessant, un instant qui suspend le temps dans les feuilles d'un arbre géant. Un goût de vivre dans l'air que l'on respire, l'ivresse d'une douce nuit d'été, d'une journée ensoleillée. Comment ne pas succomber à tant de légèreté, parler du temps qu'il fait pour ne pas penser au temps qui passe, oh, et qui s'en va, why, oh, why, la, la, la, la, la, oh, why. C'est l'histoire des amoureux d'un parapluie pour deux, qui se fout du mauvais temps, de la furie des éléments. C'est l'histoire de ces gens qui sortent même lorsqu'il pleut, en se disant sûrement qu'après la pluie vient le beau temps. Petit bonhomme, pas plus que trois sous, qui se dit que l'éphémère des choses leur donne un tout autre goût. Mais ça, tout le monde s'en fout. Imagination.